Et oui, en 5 saisons de la méthode scientifique, pas un seul épisode sur le maître incontesté de la physique contemporaine. Oh, bien sûr, il a été question et à plusieurs reprises du rapport entre l'énergie et la masse, de l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide, du paradoxe des jumeaux, de l'espace-temps en 4 dimensions, de la gravitation et j'en passe. Mais jamais nous n'avions consacré une émission au père de tous ces concepts, Albert Einstein. Voilà. Tort réparé, et comme il est impossible d'adresser la vie et la carrière d'Einstein en une seule heure, c'est au premier chapitre d'une série de plusieurs épisodes que nous vous invitons maintenant jusqu'à la théorie de la relativité restreinte. Einstein, chapitre 1, relativisons. C'est le programme restreint qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour ce premier chapitre consacré donc à la vie et aux travaux d'Albert Einstein entre 1879 et 1905, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard Taillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc, chercheur en astrophysique au laboratoire de physique théorique d'Anne-Sylvieux. Et Christian Bracco, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'INSPE de Nice, chercheur dans l'équipe Histoire de l'astronomie au CIRT à l'Observatoire de Paris. Mais on commence comme chaque jour par le tour de l'actualité scientifique du jour, et c'est avec Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans la revue Nature, CRISPR-Cas9 doublerait l'espérance de vie de souris atteintes de progéria. Oui, c'est ce que mettent en évidence ces travaux de recherche menés par une équipe de l'université de Harvard. La progéria, autrement nommée syndrome de Hutchinson-Gilford, est une maladie génétique très rare. On compte à peine une centaine de cas dans le monde. Et cette maladie provoque une sénescence, un vieillissement accéléré des enfants qui en souffrent et qui ont une espérance de vie très limitée puisqu'elle est de 12 ou 13 ans en moyenne. Alors cette pathologie est causée par une altération des lamines A, C, deux protéines structurales de l'enveloppe des noyaux des cellules, et jusqu'à présent, aucune thérapie génique ne s'est montrée efficace pour la soigner. L'équipe de Harvard a utilisé le ciseau moléculaire CRISPR-Cas9 non pas pour couper une séquence d'ADN déficiente, mais pour remplacer une lettre de l'ADN par une autre, un processus qu'on appelle l'édition de base. Les chercheurs ont ainsi pu corriger la lettre responsable de presque tous les cas de progéria dans ce gène qui produit la lamine A déficiente. Le résultat est spectaculaire puisque les souris atteintes de progéria qui ont été l'objet de cette modification par CRISPR ont vu leur espérance de vie multipliée par 2, passant de 215 à 510 jours. Voilà pour cette étude, mais il s'agit également d'une piste sérieuse pour traiter bon nombre d'autres pathologies puisque la moitié des mutations génétiques pathogènes impliquent la modification d'une seule lettre, d'une seule nucléotide, qui selon le responsable de l'étude pourrait être corrigée efficacement par CRISPR-Cas9. Voilà, et vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes les autres, celles du Journal des Sciences, mais celles également qui seront citées dans l'émission sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Un nouvel état de la matière a été découvert, Antoine. Liquide, glace, voilà ce nouvel état de la matière découvert par des chercheurs de l'université de Constance en Allemagne qui ont publié leurs travaux dans la revue PNAS. Ni liquide, ni solide, cet état observé à l'échelle microscopique apporte une partie de la réponse à la compréhension de la transition entre... encore énigmatique, pardon, entre les deux états liquide et solide. Ce liquide glace intrigue déjà puisque les chercheurs responsables de l'étude ont montré que les particules observées dans cet état sont capables de se mouvoir, mais pas de tourner. Rotation, toujours en 2020, la Terre a tourné un peu plus vite que d'habitude sur elle-même. Oui, les 28 jours les plus rapides depuis 1960 ont eu lieu en 2020. Après avoir ralenti pendant des décennies, la vitesse de rotation de la Terre a de nouveau accéléré l'année dernière et les jours ont été en moyenne plus courts de 0,05 millisecondes. Ce changement très léger signifie que la Terre tourne un tout petit peu plus de 365 fois sur son axe pour faire un tour complet du Soleil. Certains travaux suggèrent que le changement climatique et notamment la fonte des glaces, avec la redistribution des masses que cela implique, pourrait faire tourner la Terre plus vite sur son axe. Cette accélération pourrait poser problème également pour l'ajustement des horloges atomiques qui synchronisent les satellites et d'autres équipements. Les responsables du Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence réfléchissent déjà au recours à une seconde intercalaire négative pour compenser cette accélération. Et enfin, des médecins allemands ont identifié 6 formes de prédiabète. Et leurs travaux viennent de paraître dans la revue Nature Medicine. Le diabète n'apparaît pas du jour au lendemain et la phase prédiabétique peut durer plusieurs années. En se basant sur les caractéristiques physiologiques de près de 900 personnes, les médecins ont pu identifier 6 groupes de prédiabétiques présentant des risques de diabète allant de faible à fort. Cette classification a été confirmée par l'analyse d'une seconde cohorte de 7000 volontaires en Angleterre cette fois. Les médecins espèrent que cette grille de lecture pourra permettre d'identifier plus tôt les personnes les plus exposées au diabète de type 2 et leur proposer le traitement adapté. Merci Antoine, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Lorsqu'Albert Einstein débute sa carrière scientifique à la fin du 19e siècle, la physique est, pourrait-on dire, dans une forme d'impasse ou tout du moins de stagnation. On estime alors que tout a été à peu près décrit par les théories courantes, qu'il n'y a en somme quasi plus rien à découvrir. Et voilà que Oersted, Ampère, Faraday puis Maxwell unifient l'électromagnétisme. C'est le nouvel Eldorado de la physique contemporaine. De l'autre côté, bien, il y a la mécanique, la gravitation, tout ça est parfaitement décrit à ce moment-là par les lois de Newton et semble a priori difficile à modifier. Et c'est là tout le génie d'Einstein que nous allons tâcher de décrire pas à pas en commençant par le chemin qui va l'amener à formuler très jeune, hein, il a seulement 26 ans, la théorie de la relativité restreinte ainsi que sa fameuse formule devenue presque aussi célèbre que lui, E égale MC2. Écoutez ce qu'en disait Gaston Bachelard en 1955 qu'il évoque, vous allez l'entendre, comme la découverte la plus révolutionnaire d'Einstein. Pour conclure, j'attirerai l'attention sur une conséquence plus importante pour nous de la relativité restreinte. Conséquence d'une extrême importance philosophique. J'ai laissé de côté une des plus grandes découvertes d'Einstein. Il comprit dès 1905 que l'on devait conclure à une modification de la masse d'un corps dans des variations de sa vitesse. Corrélativement, il dut admettre que toute énergie a une masse. L'équation la plus révolutionnaire d'Einstein tient en une petite ligne. On peut l'écrire E égale M0 C au carré. E étant l'énergie, M0 la masse au repos, C2 le carré de la vitesse de la lumière. Cette fois, on n'est pas seulement devant les phénomènes astronomiques que la relativité développe avec beaucoup d'esprit de finesse. Avec la loi E égale M0C2, la relativité, si l'on ose dire, entre au cœur du réel. On ne peut sans cette loi bien décrire les transformations du noyau des atomes, toute une physique nucléaire qui, pour tant de raisons, préoccupe les hommes de notre temps. Voilà l'accent et la verve de Gaston Bachelard, d'habitude mesurée, dont on entend ici, me semble-t-il en tout cas, la fascination pour la pensée d'Einstein. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Richard Taillet? Oui, c'est intéressant. Bah déjà, je lirai plus une phrase de Bachelard sans entendre son accent. J'avais jamais entendu sa voix, donc c'est intéressant. Ah, voilà un petit début de premier. De le corriger en fait sur quelque chose. Alors plutôt de préciser. Non, c'est. Oui, je vous en prie, pardon. Il y a eu juste un petit bug technique et donc on va avoir un petit décalage, mais je vous en prie. Il indique qu'Einstein a écrit E. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Donc il indique que c'est Einstein qui a énoncé la loi E égale MC carré. Et alors il y a un sport qui consiste à effectivement prendre toutes les découvertes d'Einstein et de dire que c'est lui qui l'a pas fait et on peut le jouer assez facilement. C'est pas ça que je veux faire maintenant, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a un contexte quand même dans les recherches d'Einstein et en particulier ce que mentionne Bachelard, le fait que la masse d'un corps puisse dépendre de la vitesse. C'est quelque chose qui a déjà été étudié depuis depuis plusieurs décennies avant lui, en fait. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici maintenant de pourquoi, mais les gens se posaient la question vraiment de comment est-ce que la masse d'une charge électrique pouvait dépendre de sa vitesse. Christian Bracou, une réaction également assez... On reviendra évidemment sur ce rapport E égale MC carré tout à l'heure, et on verra qu'effectivement on en attribue la paternité à Einstein, mais que c'est certainement une paternité collective qu'il faudrait attribuer à cette formule. Mais une réaction à Christian Bracou, est-ce que vous venez d'entendre? Il me semble en fait que au-delà de la de la réputation de cette formule qui est effectivement très très grande, hein, la question se pose dans la définition de la masse. De quelle masse parle-t-on? Est-ce que c'est uniquement une masse d'inertie ou est-ce que cette masse est sujette à la gravitation? Et ça a été la question qui a été posée, me semble-t-il, par Planck à Einstein vers 1906-1907. Et la réponse d'Einstein a été le principe d'équivalence, donc appliqué à la lumière, et donc de concevoir un champ de gravitation comme un champ d'accélération. Et donc ensuite, dès 1907, en fait, il est parti sur cette extension de la relativité restreinte, un petit peu, sur la base de cette question de savoir quel type de masse rentrait dans cette formule-là, est-ce qu'elle était indifférenciée ou pas. On va d'abord faire peut-être un petit tour ou un petit bilan biographique, hein, de ces premières années de la carrière d'Albert Einstein, et on comprendra et on verra dans la deuxième partie vraiment ce qu'est exactement cette théorie de la relativité restreinte et comment il y a abouti. Mais ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que finalement l'histoire des sciences aura retenu égal MC2, a retenu également évidemment la relativité générale, peut-être un peu moins la relativité restreinte, et paradoxalement la relativité restreinte, Richard Taillet, est plus complexe à comprendre dans tout ce qu'elle propose finalement comme révolution paradigmatique dans sa finesse que ne l'est la relativité générale. Oui, effectivement, la relativité restreinte, elle a une difficulté énorme qui est qu'elle nous oblige à revenir sur des choses qui nous semblent évidentes dans la vie de tous les jours et qui en fait ne sont que des approximations. Je vais donner un seul exemple tout bête, hein, mais voilà, vous êtes dans un train qui avance à 100 km/h dans une direction donnée. Vous avancez à 5 km/h vers l'avant du train. Donc vous avez l'impression d'avancer par rapport au sol à 100, la vitesse du train plus la vôtre 5, c'est-à-dire 105 km/h, et ça semble tout à fait logique, et en fait ça c'est faux. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. La relativité restreinte indique comment est-ce qu'il faut calculer les additions des vitesses. On arrive à une expression qui est un petit peu différente, une vitesse qui est un peu plus faible. Et voilà, il y a tout un tas de choses comme ça sur lesquelles il faut revenir, alors que la relativité générale, finalement, une fois qu'on a fait le pas d'aller vers la relativité restreinte, ça me semble des pas moins conceptuels, moins importants effectivement pour considérer des espaces-temps courbes, ce qui est effectivement ce que fait la relativité générale. Mais la relativité restreinte, effectivement, c'est ce qui est surprenant, et ça on le voit quand on l'enseigne, hein, c'est quelque chose qu'on peut enseigner en deuxième année de licence, c'est que c'est techniquement très facile. C'est accessible quasiment à quelqu'un qui sort qui a son baccalauréat en sciences, mais qui est extrêmement difficile du point de vue conceptuel. Il faut se poser les bonnes questions et se sortir de ces ornières de pensée, et voilà, c'est ça la difficulté. Et avec un certain nombre d'expériences de pensée qui sont toujours assez vertigineuses à faire et qu'on va faire d'ailleurs au cours de cette heure. Mais on va revenir sur les tout débuts bien de la carrière scientifique d'Einstein et surtout sur le contexte scientifique de cette fin du 19e siècle qui est si particulier pour la physique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, première émission, premier épisode consacré à la carrière et à l'œuvre d'Albert Einstein en compagnie de Richard Taillet et Christian Bracou. Je le disais, hein, Christian Bracou, fin 19e, il y a un moment donné où on a le sentiment que finalement tout le monde se consacre à la biologie, c'est la star des sciences parce qu'en physique, finalement, les lois dont on dispose sont suffisantes pour décrire le monde. Oui, certes, mais disons que commencent à poindre certaines questions quand même. Il y a des grands personnages de l'époque, hein, par exemple Boltzmann, donc Ludwig Boltzmann qui travaille sur la physique statistique, hein, sur la description de l'irréversibilité et la définition d'entropie à partir d'une vision statistique. Il y a le grand savant allemand Max Planck qui applique en fait ces visions statistiques artistique finalement, un équilibre entre la matière et le rayonnement qui est celui justement de ce qu'on appelle le corps noir en physique, hein, c'est-à-dire le rayonnement qui est absorbé et émis par un four, hein, totalement isolé, porté à une certaine température, et qui va être à la source de son analyse à partir de la statistique va introduire les quantas en physique dès 1900. Pas conçu comme le fera Einstein, on en reparlera plus tard j'imagine, mais cette discontinuité de la physique, au moins d'une quantité qui est l'énergie par rapport à un ensemble on va dire par rapport à la matière finalement, elle commence à apparaître. D'autre part, il y a des expériences assez fines qui ne trouvent pas une interprétation très très simple, hein, qui montrent justement, comme l'a dit Richard tout à l'heure, que la masse semblerait dépendre de la vitesse, hein, parce qu'on vient de découvrir la radioactivité, les rayons Röntgen, les rayons X également, et donc se pose pas mal de questions, c'est la période où on découvre l'électron, hein, 1898, donc il y a la théorie de Lorentz d'un électron qui se déplace dans l'éther et qui est la source des champs électriques et magnétiques, qui manquait en fait à la théorie de Maxwell qui était une vingtaine d'années antérieure. Voilà, donc on est quand même dans un foisonnement. Hein. Donc, je pense que Einstein arrive dans ces années-là, au moment où il sort de l'école polytechnique fédérale de Zurich en 1900, il est en plein dans un bain bouillonnant, on va dire. Voilà. Et comme il est brillant et qu'il s'intéresse à plein de sujets, il est passionné par tout ce qui se passe à cette époque-là. Et il y a beaucoup de choses, en fait. Et à propos de plusieurs noms que vous venez de citer, hein, que ce soit Röntgen, Oersted, l'électromagnétisme de Maxwell, on peut vous renvoyer, hein, vers les émissions que nous y avons consacrées, ces émissions où on essaie justement de circonscrire un peu ces grands bouleversement de la compréhension du monde qui se passe au tournant du 19e et du 20e siècle. Richard Taillat, vous vouliez réagir sur ce contexte scientifique dans lequel arrive le jeune Albert Einstein. Oui, juste rappeler que l'électromagnétisme, comme l'a dit Christian, c'était quand même une théorie qui était jeune à l'époque. Hein. Donc fin de siècle, fin du 19e siècle, l'électromagnétisme a 20, voilà, on va dire 30 ans si on veut pousser, mais c'est quand même quelque chose qui vient d'arriver et il reste encore vraiment beaucoup de choses à explorer dans cette nouvelle théorie. Alors si on fait un peu de biographie pour rappeler qui est Albert Einstein, d'où il vient, il naît à Ulm dans le Württemberg, dans ce qui est encore l'Empire allemand, le 14 mai 1879. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de son milieu familial? La famille Einstein va vite quitter l'Empire allemand pour aller s'installer en Italie, mais quelles sont ses premières années et qu'en sait-on aujourd'hui, Christian Bracco? Dans la famille Einstein, il y a un personnage qui est très important en fait. C'est le jeune frère du père d'Albert, hein, donc l'oncle d'Albert Einstein, qui est Jacob Einstein. Donc Jacob Einstein est un ingénieur polytechnicien, hein, de l'école polytechnique de Stuttgart, et il fonde en 1876 une entreprise d'électrotechnique qui va d'abord s'intéresser avec des chaudières au gaz, je crois, puis après il va développer des dynamos, il va développer des appareils de téléphone, commercialiser des appareils de téléphone, et il engage le père d'Albert dans cette aventure. Justement, c'est pour ça que la famille part à Munich en 1880. Albert Einstein a un an quand il arrive à Munich, en fait, parce que son oncle a eu l'idée d'embrigader son père, qui était commercial, mais dans d'autres secteurs, dans cette aventure qui était vraiment le démarrage de la seconde industrialisation en Europe. C'est-à-dire, c'est vraiment toute la période de l'électrification des villes. Ils ont une PME, hein, ils ont une entreprise qui compte à peu près 200 salariés, donc c'est quand même pas anodin. Alors évidemment, la fascination d'Einstein pour le champ électromagnétique, il baigne dedans, hein, déjà dès sa jeunesse. La légende dit qu'il est attiré par très très jeune par la boussole et ce qu'on appelle alors l'action à distance. Oui, alors bon, je pense que tout enfant de 5 ans est intéressé par ça. Je peux vous le confirmer. Mais effectivement, ça a un sens dans le vécu d'Einstein, c'est-à-dire que ce n'est pas un événement, ça ne sera pas un événement isolé. C'est-à-dire il y aura une suite. Cette suite, par exemple, quand Albert Einstein a 16 ans, qu'il travaille dans le bureau de l'entreprise de la famille Einstein et qui est parti de Munich à Pavie, effectivement, comme vous l'avez précisé, en 1894. Il a 15 ans à ce moment-là. Il va pouvoir consulter les ouvrages qui publient les brevets, les systèmes de son oncle. Y compris les ouvrages de langue française, hein, parce que ces ingénieurs parlent plusieurs langues. Et si on prend par exemple, il a accès à de l'information qui est notamment, y compris sur des nouvelles, des brèves, des recommandations de lecture, des théories qui sont exposées, les théories de Helmholtz par exemple sont exposées dans ses revues pour ingénieurs, quoi. Donc voilà, il baigne vraiment dans ce milieu-là de manière quasi professionnelle et assez tôt. Et il y a un ami aussi étudiant en médecine, Max Tamley, qui a priori lui de la famille, qui lui offre des livres de science. Il lit Kant, il se singularise particulièrement en mathématiques. Il est très vite très bon mathématicien, c'est cela, Christian Racot? Oui, il y a certaines anecdotes à ce sujet, notamment, on rapporte que son oncle Jacob, justement, encore lui, avait initié Einstein, en fait, alors je sais plus si c'est de la géométrie ou de l'algèbre, dès ses 12 ans. Et effectivement, la famille le considère lui-même comme le considère Albert, le jeune Albert, comme quelqu'un de génial. Hein. Par exemple, quand il cherche à rentrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich, alors qu'il n'a que 16 ans, donc il n'a pas l'âge légal, il faut avoir 18 ans, qu'il n'a pas son baccalauréat parce qu'il a quitté son lycée en cours de route pour rejoindre sa famille à Milan en décembre 1894, quand il veut rentrer dans cette école en octobre 1895, la famille, il ne sait pas comment s'y prendre, la famille essaie d'intervenir, etc. Et on a des échos comme quoi il a été présenté comme étant quelqu'un de particulièrement génial. Richard Taillet, sur ces premières années d'Albert Einstein, avant de commencer, et puis on va voir d'ailleurs une fois qu'il aura ses diplômes de polytechnique, il va commencer à travailler, mais il va commencer à travailler la science en autodidacte complet, en fait. Oui, alors bon, moi je connais beaucoup moins le sujet que Christian, donc je vais pas trop m'avancer, mais je pourrais conseiller aux auditeurs dans la collection Seuil aux éditions du CNRS sont publiées les œuvres choisies d'Einstein. C'est en français, ça a été traduit, et effectivement on trouve dans le tome qui est consacré à la relativité, on trouve un des premiers écrits donc de sa jeunesse. Donc je vais pas divulgâcher, mais j'invite les lecteurs à aller consultez ça. On va vous mettre le lien vers cet ouvrage sur notre fil Twitter @lamethodefc. Donc oui, je le disais, hein, Christian Bracot, il va intégrer Polytechnique. Il s'y prend à deux reprises. Paradoxalement, il va obtenir son diplôme de justesse. Disons qu'il l'obtient pas dans les meilleures conditions par rapport à ses camarades, mais il l'obtient correctement quand même. Hein. C'est surtout la suite qui va être compliquée parce que visiblement, ses camarades que sont Grossman notamment, hein, par exemple, oui, hein, avec qui il collaborera plus tard, ont fait la classe de mathématiques et Albert Einstein avec Mileva Maric, hein, qui est sa compagne, ont fait la classe de physique, et dans la classe de physique, le prof c'est Heinrich Friedrich Weber, le prof d'électromagnétisme de l'ETH. Et visiblement, il y a un peu de l'eau dans le gaz, hein, dans les relations entre Albert Einstein et Weber. Et Albert Einstein, c'est pour cette raison qu'il ne trouve pas de poste d'assistant, en fait, pour commencer sa thèse. Et donc, il va se retrouver, alors je ne sais pas s'il faut dire, oui, d'une certaine manière autodidacte, oui, mais surtout, il va se retrouver un petit peu en marge du milieu scientifique. Mais tout en gardant contact avec un milieu scientifique, notamment via ses groupes d'amis, hein, via Marcel Grossman, via aussi Michele Besso, peut-être on en dira un mot après. C'est très important, oui, vous allez nous en dire un mot, parce voilà. qu'il trouve un poste à l'office des brevets de Berne qui lui permet de vivre, et donc finalement ses travaux, ses recherches vont constituer dans un premier temps, en grande partie, en échange avec plusieurs de ces personnes qui vont être importantes, qui vont relire ses travaux et qui vont l'accompagner finalement dans le développement de sa pensée scientifique. Alors la relation avec Michele Besso, juste pour en dire un mot assez rapide quand même, elle commence assez tôt, hein, puisqu'on a une lettre de Michele Besso à Einstein datée de octobre 1945. Au cours d'une anecdote dans la lettre, Michele Besso rappelle à Einstein, n'est-ce pas notre point de discussion entre Huygens et Newton, hein, donc entre théorie ondulatoire de la lumière et théorie corpusculaire de la lumière, il y a un peu plus de 50 ans. il y a plus de 50 ans. Donc il faut voir la version allemande pour voir le plus, parce que dans la version française, elle a disparu. Mais plus de 50 ans par rapport à 1880, par rapport à 1945, octobre 45, ça nous mène à avant octobre 1895, et donc la période exactement où Einstein cherche à rentrer à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Et c'est qui ce Michele Besso alors ? Alors Michele Besso, donc c'est un étudiant qui vient de sortir de l'École polytechnique fédérale de Zurich, hein, qui a 6 ans de plus qu'Einstein. Il en est sorti quelques mois avant, et il est dans le même, on va dire, c'est un peu les mêmes cercles familiaux, hein, mais on va dire dans un milieu encore plus élevé, hein, le milieu de Michele Besso. Son oncle Marco et va être PDG finalement des assurances générales, hein, en Italie, donc la troisième compagnie mondiale d'assurance. Son père travaille aussi dans ses assurances. Il a un oncle qui est directeur des chemins de fer. Il a un autre oncle du côté maternel qui est professeur à l'École polytechnique de Milan, avec lequel Einstein est en contact et qui va certainement favoriser le fait qu'Einstein puisse travailler à la librairie de l'Institut Lombard, de l'Académie des sciences de Lombardie, hein, quand il réside ponctuellement à Milan, où il a toute l'information scientifique dont il a besoin pour poursuivre son travail, hein, pendant ses années d'études à Zurich. Donc Michele Besso est dans ce milieu-là avec lesquels les Einstein sont en lien, hein, puisque les entreprises souscrivent des contrats d'assurance, ils éclairent les stations des chemins de fer. Donc voilà, c'est quand même un milieu qui est vraiment le milieu de l'industrialisation, en fait, de l'Italie de cette époque-là. Et voilà. C'est ce qui pourrait expliquer, je pense, que la rencontre n'est pas forcément totalement fortuite, et Michele pourrait avoir un rôle un peu de formation, quoi, par rapport à Albert Einstein. Et là, on comprendrait que d'une certaine manière, le maître se retrouve dépassé par l'élève à un moment, d'une certaine manière, au point de vue de la... Comment dire, c'est pas péjoratif, hein, parce que Michele est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais simplement, je pense qu'il admire vraiment Einstein, quoi, et il favorisera par la suite le travail d'Einstein. Il y aura une discussion, une interaction. Einstein dira de Michele qu'il était la caisse de résonance, la meilleure caisse de résonance qu'il pouvait trouver en Europe, et il le fait venir au bureau des brevets à Berne en 1904, hein, pour le rejoindre. Et c'est là qu'on voit vraiment que les discussions qui étaient menées en Italie en 1901 reprennent à ce moment-là, à travers, et les articles d'Einstein sur les quanta et la relativité portent cette marque, en fait. Un mot peut-être justement avant d'en arriver à 1905 et à ces deux articles qui vont bien être marqués dans l'histoire des sciences comme posant les bases de la théorie de la relativité restreinte. Richard Taillet, les premiers travaux d'Einstein, comme vient de le dire Christian Embraco, ils portent sur les quanta. Comment est-ce que Einstein organise finalement sa pensée, c'est dans quel sens il dirige finalement ses travaux pour aboutir en 1905 à cet article sur l'électrodynamique des corps en mouvement dans lequel figure la théorie de la relativité restreinte? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, parce que je n'ai pas préparé du tout ça. Nous avions parlé de relativité, donc j'ai fait mes devoirs de relativité. On va y venir. Ceux de l'histoire de l'article de quanta. Donc, je ne vais pas m'avancer à vous répondre en vous disant des choses fausses. En revanche, ce que je peux juste corriger un petit peu, c'est que ces tout premiers travaux, c'est pas sur les quanta, en fait, c'est vraiment sur l'électromagnétisme. Les premières questions dont on a la trace pour Einstein, ce sont vraiment des questions sur le champ magnétique, le champ électrique et sur les ondes électromagnétiques, en fait. Christian Embraco, peut-être un mot pour avant de franchir le pas et d'arriver à la relativité restreinte. Sur l'origine de la relativité restreinte, sur l'histoire de la relativité restreinte. Sur la façon, sur les travaux préliminaires qui vont y conduire. Alors ben c'est un peu ce que dit Richard, hein, c'est-à-dire que effectivement la trace qu'on a, c'est que dès 1898, hein, typiquement, Albert Einstein s'intéresse vraiment de près au champ électromagnétique, et notamment à l'époque il cherche à mettre en évidence le mouvement de la Terre dans aujourd'hui on dirait dans le vide, mais à l'époque on disait dans les terres. On disait dans les terres. Et effectivement, c'est la problématique des physiciens d'époque, hein, c'est la problématique que se posent certains expérimentateurs qui cherchent des expériences de plus en plus sensibles pour pouvoir mettre en évidence ce mouvement-là. Il y a quand même des théoriciens qui commencent à édifier des théories justement pour montrer que finalement peut-être qu'on n'arrivera pas à le faire, hein, puisqu'il y a la théorie dite des états correspondants de Lorentz, qui est un petit peu l'ancêtre du principe de relativité de relativité. Hein. Un système en mouvement peut être ramené à un système au repos où les équations ont la même forme dans les deux systèmes, on ne peut pas s'apercevoir du mouvement. Ça, c'est ce que fait Lorentz dès 1895, mais il le fait, alors on appelle ça techniquement au premier ordre en V sur C, hein, c'est-à-dire le rapport de la vitesse de la Terre sur son orbite par rapport à la vitesse de la lumière. Mais Poincaré va généraliser un petit peu, va regarder ça de plus près. Lorentz reviendra ensuite, cette fois avec plus de précision, à tout ordre sur cette fameuse transformation qui assure les états correspondants. Mais vraiment, il y a toute une aventure que Einstein suit de près. Hein, voilà. Donc ça, on peut le dire. Je pense que il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait qu'il est au courant d'un certain nombre de choses des années 1900, 1901, 1904, pas forcément 1905, hein, mais il se tient au fait de la littérature de son temps sur les sujets qui l'intéressent. Et le premier sujet effectivement est celui du champ électromagnétique et du mouvement de la Terre dans l'éther. Et ce qui aboutira donc à cet article, ce premier article de juin 1905 sur l'électrodynamique des corps en mouvement, et donc cette fameuse théorie de la relativité restreinte que nous allons vous expliquer en long, en large et même en travers, en tout cas de façon la plus claire possible dans quelques instants. Life de Cécile Sereau sur France Culture à 16h33, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française, comme tous les jours depuis le début de ce deuxième confinement et de cette deuxième vague épidémique. Nous parlons d'Albert Einstein tout au long de cette heure, une émission qui parcourt les premières années de sa carrière scientifique jusqu'à la relativité restreinte en 1905. Nous en parlons avec Richard Taillet, qui est enseignant-chercheur à l'université Savoie-Mont-Blanc, chercheur en astrophysique au laboratoire de physique théorique d'Annecy-le-Vieux, et Christian Bracco, qui est maître de conférences à l'INSPE de Nice, chercheur dans l'équipe Histoire de l'astronomie au CIRT de l'Observatoire de Paris. Alors je vous propose, Richard Taillet, si vous voulez, pour expliquer la formalisation de cette théorie de la relativité restreinte, de commencer par nous expliquer dans un premier temps en quoi elle consiste, en quoi elle est un vrai basculement paradigmatique, et de remonter ensuite peut-être le temps pour comprendre comment Einstein y est parvenu. Le titre, donc je le disais, hein, exact de l'article, c'est sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Qu'y a-t-il dans cet article de 1905 ? Alors dans l'article, il est constitué de deux grandes parties. Une première partie où il n'y a aucune équation en fait, où il explique un petit peu le contexte et le problème, et ensuite une partie assez technique où il développe ce qui va devenir vraiment le cœur des équations de la relativité restreinte, ce qu'on appelle aujourd'hui ça, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Bon. Dans cette introduction, il rappelle quelques problèmes que rencontre l'électromagnétisme. Donc l'électromagnétisme, c'est la théorie qui décrit l'électricité et le magnétisme depuis les équations de Maxwell qui datent de la moitié de environ 1860-1870. Donc Maxwell a écrit des équations qui décrivent le champ électrique et le champ magnétique. Et quand les physiciens ont des équations, ils se posent assez vite. Ils se posaient déjà à l'époque la question suivante, c'est si moi je suis physicien là dans mon bureau, j'écris les équations qui décrivent le monde qui m'entoure, est-ce que quelqu'un qui serait en mouvement par rapport à moi écrirait les mêmes équations que moi? Si la réponse est oui, les équations obéissent au principe de relativité, sinon elles n'y obéissent pas. Et on s'aperçoit assez rapidement que les équations de Maxwell n'obéissent pas au principe de relativité que suivent au contraire les équations de la mécanique. Donc c'est un petit peu un problème. Les physiciens ont quand même envie d'avoir une théorie qui soit la même pour quelqu'un qui soit au repos entre guillemets et quelqu'un qui bouge par rapport à la première personne. Et il y a plusieurs manières de résoudre ça. Et ce qui va être révolutionnaire dans ce que fait Einstein, c'est que lui il dit on a l'impression que les équations de la mécanique usuelle obéissent au principe de relativité, mais c'est pas vrai. En fait, il faut écrire un nouveau principe de relativité qui est satisfait par les équations de Maxwell, c'est-à-dire qu'il faut changer la manière dont on décrit la physique quand on se met en mouvement par rapport à un observateur. J'ai pas envie de rentrer dans des détails techniques, j'espère que ça reste pas trop flou quand même. Non, voilà. Tout à fait, c'est très précis. On peut écrire des transformations qui décrivent comment les équations de Maxwell restent les mêmes pour différents observateurs, et ce que va faire Einstein, il va dire ces équations-là, elles sont aussi valables pour la mécanique, ce qui a priori n'est pas le cas. C'est exactement le titre de l'article, de l'électrodynamique, donc de ces formules de Maxwell appliquées au corps en mouvement. Voilà, effectivement, donc il y a dans le titre à la fois l'électrodynamique et les corps en mouvement, donc il annonce la couleur dès le titre, effectivement. Et il passe pas mal de temps dans cet article, au début, à revenir sur des notions qui semblent élémentaires. Il y a une partie qui s'appelle « définition de la simultanéité », donc ça peut sembler presque enfantin de se dire « mais Einstein nous explique ce que c'est que des événements simultanés », oui, en fait. Il n'y a rien d'évident, a priori, à dire que deux événements qui n'ont pas lieu au même endroit ont lieu au même moment. Donc, c'est pas le premier à s'en rendre compte, mais lui, il se rend compte que c'est vraiment un point crucial de la physique. Il montre aussi que définir l'époque, le temps auquel adviennent différents événements, c'est pas du tout quelque chose qui est évident non plus, en particulier si un observateur qui est au repos, entre guillemets, assigne des temps à certains événements, quelqu'un qui est en mouvement par rapport à cet observateur va devoir assigner des temps différents. Et ça, il le montre par des raisonnements qui sont vraiment limpides. Hein. Mmh. Quasiment aucune équation. Ça demande quand même d'être pris de manière sérieuse. Faut pas être fatigué, mais ça se fait vraiment très bien. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est encore aujourd'hui exactement de cette manière-là, de la manière des mots d'Einstein qu'on utilise aujourd'hui pour expliquer ça à la fois au grand public ou à des étudiants. Si je devais le résumer, alors je vais prendre volontairement des formulations un peu épaisses ou un peu caricaturales, mais pour vous permettre de l'affiner, de nous expliquer finalement comment la pensée d'Einstein permet d'être ou peut être résumée dans ces termes-là. Ce qu'Einstein dit et ce que vous êtes en train de nous expliquer, Richard Taillet, c'est que grosso modo, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Oui, on peut le dire comme ça. Alors, effectivement, cette formulation est problématique, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là maintenant. Mais effectivement, le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde. Si vous êtes en train de vous déplacer dans un train par rapport à moi, et que vous faites des expériences et que vous mesurez la durée des choses, et que moi j'essaye de mesurer ce qui se passe dans votre train, on ne va pas trouver la même chose du tout. Et il n'y a aucune raison, en plus, a priori, pour qu'effectivement ces temps soient les mêmes. Hein. Donc il n'y a pas de révolution en soi. Ce qui est un petit peu lourd, on va dire, et ce qui demande de l'effort intellectuel, c'est qu'on est en train de parler du temps, c'est-à-dire quelque chose qui nous touche vraiment de manière extrêmement profonde, de point de vue philosophique presque, et ça peut être difficile dans un premier temps d'accepter que ce temps, qui nous semble être commun à tous, ne le soit pas en fait. Donc effectivement, c'est pour ça que Einstein passe. Il passe, donc là, j'ai l'article sous les yeux, enfin, la version française, il passe quatre pages à nous expliquer effectivement ce qu'est la simultanéité, ce que sont les mesures du temps, en décrivant des procédures qui peuvent sembler presque trop lourdes par rapport à la simplicité du sujet, mais en fait, on s'aperçoit à la fin que non, il avait raison d'être extrêmement précis parce qu'on arrive à la fin à des résultats qui sont contre-intuitifs, en fait. Comme vous le dites, le temps, je mets des gros guillemets, le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde. Et de la même façon, il parle aussi des distances, hein, les longueurs des objets ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si vous voyez une règle passer à toute vitesse devant vous, elle va vous sembler plus courte que pour quelqu'un qui est assis sur la règle et qui fait la même mesure. On reviendra justement sur les distances et sur finalement le fait que ce que dit Einstein, c'est que les lois de la physique ont in fine la même forme dans tous les référentiels galiléens. Vous pourrez nous expliquer ça. Mais avant ça, pour le temps, il y a une expérience de pensée, je pense, que vous pouvez nous décrire, qui permet de se figurer peut-être de manière plus intuitive cette notion du fait que le temps est relatif à chaque personne qui le mesure. C'est l'expérience de l'éclair dans le train, Richard Taillet. Oui, alors effectivement, donc c'est un exemple que prend Einstein lui-même, alors pas dans l'article dont on parle là, mais dans des articles dans lesquels il va essayer de vulgariser ça un petit peu. Si on imagine un train qui est en train d'avancer sur des rails, et puis quelqu'un qui est sur le quai en train de voir passer le train, on imagine un éclair qui est en train d'atteindre le milieu du wagon. Voilà, il arrive, il touche le milieu du wagon. Si vous êtes dans le train avec une horloge à l'avant et une horloge à l'arrière du train et que vous mesurez les temps auxquels vous parviennent les éclairs, vous n'allez pas arriver aux mêmes conclusions, aux mêmes conclusions, c'est ça, qu'une personne qui serait sur le quai et qui met des horloges, effectivement, à l'endroit où se trouve l'avant et l'arrière du train. Et ça, en gros, c'est parce que y a une horloge qui est en train d'avancer et l'autre qui est en train de reculer par rapport à l'endroit où a eu lieu l'éclair. Donc je le dis un petit peu rapidement là, parce que si on voulait le faire vraiment très rigoureusement, il faut prendre beaucoup de gants tout le temps, et ça devient un petit peu lourd. Mais voilà, essentiellement, c'est avec ce genre d'expérience de pensée qu'on peut se rendre compte que parler de deux événements simultanés, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Et en tout cas, surtout, la grande leçon, c'est qu'on ne peut pas dire tel événement a eu lieu à tel moment sans dire par rapport à quel référentiel on le fait. Christian Bracco, un mot là sur cet article sur l'électrodynamique des corps en mouvement et sur ce que postule Albert Einstein dans cet article, parce que pour le moment on est en train de parler du temps, des distances et donc des lois de la physique vis-à-vis des référentiels galiléens, mais il y a d'autres choses dans cet article qui sont là aussi assez bouleversants intellectuellement. Oui, bien sûr. Donc, je voudrais peut-être quand même juste revenir sur justement ce qu'on appelle l'électrodynamique des corps en mouvement. En fait, c'est la formulation moderne d'un problème qui date de pratiquement un siècle. C'est le problème du prisme d'Arago, en fait. Donc, c'est en 1818. C'est Augustin Fresnel qui avait rendu compte de l'expérience dite du prisme d'Arago. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques ici, mais cette expérience visait à essayer de mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à l'éther avec des expériences d'astronomie. Hein, les astronomes se demandaient si, quand on observe avec une lunette, une étoile, au matin, le soir, on l'observe dans des directions différentes. La vitesse de la lumière se compose différemment avec la vitesse de la Terre sur son orbite ou sur elle-même, dans le mouvement diurne. Et donc, on pouvait se demander si ça allait avoir un effet, si le prisme allait être décalé ou pas. Et le spectre allait être décalé ou pas vu à travers le prisme. Et c'est Augustin Fresnel qui montre qu'on n'en est rien. Et il conclut en disant qu'on ne peut pas rendre compte par des expériences de réfraction, donc d'optique, du mouvement apparent de la Terre dans l'éther. Mmh. Et ça, c'est une première, on va dire, une première brèche qui est ouverte, parce qu'on connaissait le principe de relativité appliqué en mécanique, hein, avec Galilée et Newton, effectivement. Là, on commence à voir qu'il y a un petit peu des choses différentes. Et un prisme, ça va être un diélectrique. Un prisme qui se déplace sur la Terre, c'est un diélectrique en mouvement. Et quand on a la théorie de l'électromagnétisme, la théorie de Maxwell, eh bien, ça devient la théorie électrodynamique que vous avez mentionnée. Mmh. Et donc, cette problématique-là, en fait, est issue de tout ça. Et juste pour revenir un peu par rapport à... pour compléter ce que dit Richard, faire écho à ce qu'il dit, dans cette électrodynamique des corps en mouvement, hein, à laquelle Lorentz s'intéresse, on a dit tout à l'heure que les équations avaient la même forme, etc. Donc en 1995, on a rappelé que Lorentz le montre tomber au premier ordre en B sur C. Et pour faire ça, Lorentz était obligé d'introduire une variable T' qu'il appelait le temps local. Le temps local parce qu'en fait, elle dépendait de l'endroit où on se trouvait dans le référentiel, où avait lieu l'événement dans le référentiel concerné. Et le temps, cette variable T' n'était plus le temps en T' n'était pas égal à T, en fait, entre un référentiel ou un mouvement où les coordonnées sont les coordonnées prime et un référentiel en mouvement où elles ne le sont pas. Alors, Lorentz ne raisonne pas en termes de changement de référentiel, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, il y a un T-VX qui arrive, voilà, et du coup, interpréter ça, c'est Poincaré qui le fait pour l'hommage à Lorentz pour les 25 ans de la thèse de doctorat de Lorentz. C'est Ike Karmeling-Hans qui lui demande ça en octobre 1900, et Poincaré envoie son article un mois plus tard, et il explique il résout des paradoxes qui avaient lieu dans cette théorie de Lorentz, qui n'était pas encore tout à fait au point. Et au fil de sa discussion, il explique que cette variable T', en fait, c'est le temps indiqué par des horloges, mais des horloges qui ont fait l'objet d'une convention, qui ont été synchronisées en fait, par l'aide de signaux lumineux. Et donc, derrière, c'est l'invariance de C. Alors, évidemment, on est là qu'au premier ordre. L'invariance de C, c'est l'invariance de la vitesse de la lumière. Voilà, l'invariance de la vitesse de la lumière, exactement. On est là qu'au premier ordre en V sur C. Mais la relativité de la simultanéité, elle fait écho à ces choses-là qui, là, sont écrites de manière mathématique, mais qui ensuite prennent une forme différente quand on veut le rendre un peu plus accessible au grand public. Peut-être qu'on peut dire un mot, Richard Taillet, de cette autre grande postulat important de cet article d'Einstein de 1905, puisque Christian Omrako vient de l'évoquer, c'est la constance universelle, hein, je crois que ce sont les mots que Einstein emploie lui-même, de la vitesse de la lumière dans le vide. Oui, effectivement, et donc c'est quelque chose, ça aussi, qui peut sembler non intuitif, parce que quand on pense à des vitesses, on se dit, si je cours après le photon, alors, pardon, j'ai dit photon, faut pas, on n'est pas du tout en train de parler de ça. Si je cours après la lumière, du coup, je vais la voir avancer moins vite puisque je la rattrape en partie. Donc ça semble frapper au coin du bon sens, et c'est pas le cas. Et en fait, si on y réfléchit, là, on peut quand même avoir une prise un petit peu intuitive sur ça, parce que si on imagine qu'on est dans le vide, si vous êtes en train d'avancer à une certaine vitesse dans le vide. Le vide, il apparaît a priori de la même façon pour vous, donc puisqu'il y a rien, donc voilà. Et donc il n'y a pas de raison que l'électromagnétisme, que le champ magnétique, que la lumière est un champ électromagnétique, il n'y a pas de raison que l'onde électromagnétique se déplace de manière différente, à une vitesse différente pour quelqu'un qui est en mouvement, que par rapport à la personne qui était au repos, puisque c'est des phénomènes qui ont lieu dans le vide et que ce vide, il a la même allure pour tout le monde en fait. On peut critiquer, hein, le raisonnement que je suis en train de faire, c'est pas du tout un raisonnement rigoureux, mais c'est pour indiquer que la notion d'intuition qu'on peut avoir de ces phénomènes-là, elle est assez assez flexible en fait. Un mot peut-être, Christian Braco, sur pourquoi est-ce que c'est si important, parce qu'encore une fois, on l'a dit, hein, avant Einstein, il va falloir du temps avant de reléguer complètement aux oubliettes cette notion d'éther, mais pourquoi est-ce que formaliser cette constante universelle de la vitesse de la lumière dans le vide, c'est à ce point-là important, et ça va être un jalon d'ailleurs essentiel pour la suite de la physique contemporaine, et notamment pour ce fameux E égale MC2. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Dans le raisonnement d'Einstein, effectivement, il y a une certaine ambiguïté aussi. Hein. C'est-à-dire que je pense que ça reflète au départ, historiquement, la démarche qu'a suivi Einstein. Au départ, il se posait des questions par rapport au principe de relativité. Et il faut voir qu'à ce moment-là, il vient de publier en mars 1905, il a soumis son article sur les quantas lumineux, qui va introduire une lumière constituée de grains d'énergie indépendants les uns des autres, etc. Mais il ne sait pas trop à l'époque si ces quantas lumineux, s'ils sont émis par des atomes en mouvement, quelle est la vitesse de la lumière émise. Hein. Il ne précise rien dans son article sur les quantas. Par contre, le fait que son postulat prenne la forme que la vitesse de la lumière est indépendante de l'état de mouvement de la source, je pense que ça reflète une question que se posait Einstein à ce moment-là, et il transfère en quelque sorte, d'après moi, hein, mais ça c'est une relecture que je fais, hein, voilà, ça peut être discuté, hein, il transfère finalement une propriété des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire on sait bien que dans un milieu, la vitesse des ondes est indépendante du mouvement de la source, hein, pour ce qui est des ondes électromagnétiques, donc il y a un transfert qui est fait, et il y a une dialectique, hein, entre les quantas et la relativité. Donc il y a une raison historique à ça au départ. Hein. C'est-à-dire que ça complète d'une certaine manière le postulat de relativité pour la mécanique. Si on ajoute l'invariance de la vitesse de la lumière, on doit avoir un postulat de relativité qui s'étend à toute la physique. Voilà, je pense que c'est un peu ça historiquement. Et ensuite, pour le physicien théoricien, c'est très important parce que le physicien théoricien fait C égale 1. il change ses unités. Et donc le temps et l'espace sont traités, on va dire, d'une manière similaire, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas tout à fait exact. Mais quand même. Et finalement, dans les définitions du maître, est utilisée l'invariance de la vitesse de la lumière aujourd'hui. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Richard Taillet, peut-être en réaction à ce que vient de dire Christian Bracco ? Non, bah effectivement. Enfin, hein, j'ai rien à rajouter sur ce que dit Christian sur ça. Hein. Et le fait que C soit invariant, ça intervient aussi. En fait, on pouvait le voir assez rapidement sur les équations de Maxwell elles-mêmes, hein, les équations qui décrivent le champ électromagnétique. Quand on disait tout à l'heure que des chercheurs, enfin des savants de l'époque tentaient de trouver des transformations qui rendaient ces équations invariantes, ça voulait dire précisément que les équations étaient la même pour tout le monde, indépendamment de son état de mouvement. Et or, dans l'équation figure explicitement la vitesse des ondes. Hein. Donc, si ces équations sont les mêmes pour tout le monde, la vitesse est aussi la même pour tout le monde. Mmh. Et juste pour compléter, si je peux me permettre, effectivement, ce que je disais sur l'ambiguïté de ce postulat, c'est que finalement, dans l'article sur l'inertie de l'énergie, hein, E égale mc2, dont Gaston Bachelard nous a rappelé l'importance en début d'émission, il y a une note. Cet article est publié et soumis en septembre 1905, donc l'article sur la relativité, on va dire, il est soumis en juin, fin juin, l'article sur l'inertie d'énergie en septembre. Il y a une note dans cet article, et Albert Einstein écrit dans cette note que, bien entendu, l'invariance de la vitesse de la lumière est une conséquence du principe de relativité appliqué à l'électromagnétisme. Mmh. Un mot également, parce que vous venez de le mentionner, Christian Bracco, c'est aussi la première fois, en tout cas, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, Albert Einstein formalise dans cet article quelque chose que vous avez décrit, c'est-à-dire que le temps est une variable de l'espace, c'est-à-dire que finalement il faut penser, et même si ça aussi c'est intellectuellement très compliqué, l'espace-temps comme un espace-temps en quatre dimensions et non pas trois dimensions plus une. Oui, alors au départ, Einstein n'est pas tout à fait, il est un peu sceptique, hein, sur cette formulation-là, qui n'est pas la sienne au départ, qui est celle de, Poincaré avait cité que c'était les transformations de Lorentz, c'était effectivement des rotations dans cet espace à quatre dimensions, mais celui qui a vraiment développé les choses, c'est Hermann Minkowski, donc qui était un des profs d'Einstein à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, c'est à partir de Minkowski, effectivement, qu'on va concevoir un espace-temps à quatre dimensions, et qu'on va, suivant l'état de mouvement de l'observateur, projeter des quadrivecteurs sur des on va considérer des quadrivecteurs dans cet espace-temps à quatre dimensions. Mais au départ, Einstein, lui, il insiste, vous me posiez la question tout à l'heure de quels étaient les éléments importants dans son article. Alors les éléments les plus importants sont vraiment par rapport à la cinématique. Il donne vraiment tout son sens à ces relations. Liés donc aux transformations de Lorentz, qui permettent de parler de la dilatation apparente des durées, hein, dont Richard a parlé, ou de la contraction des longueurs. Donc vraiment, Einstein va insister sur le rôle de ces variables, sur le rôle du temps, et finalement, pour aller vers la relativité générale, il va devoir adopter finalement le formalisme quadridimensionnel introduit par Minkowski, se défaire de la signification qu'il attribuait de manière prépondérante aux coordonnées, pour justement aller vers quelque chose de plus abstrait avec. Ah, je crois qu'on vient de perdre Christian Bracco. Richard Taillet, vous vouliez réagir? Oui, juste un petit mot sur le fait que ce qui est révolutionnaire en fait dans cet espace à quatre dimensions, c'est pas trop de coller le temps aux trois autres et puis on a un espace à trois dimensions, on ajoute le temps, on a un nouvel espace à quatre dimensions. Bon, ça, pourquoi pas. Ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est le fait que cet espace-temps, en fait, les quatre coordonnées jouent des rôles très symétriques, et de la même façon que dans un espace à trois dimensions, si vous tournez sur vous-même, ce qui était en haut, ça devient un peu à gauche, ce qui était à gauche, ça devient un peu en bas, etc. Les coordonnées se mélangent quand on se tourne, et ben effectivement. Passer d'un observateur au repos à un observateur en mouvement par rapport au premier, ça revient à faire une rotation dans cet espace qui mélange un peu d'espace avec un peu de temps. Et ce qui était le temps de l'un devient un autre temps pour un autre. C'est vraiment le fait que cet espace à quatre dimensions a des coordonnées à quatre grandeurs qui sont d'une certaine façon équivalentes les unes aux autres. Alors là, je vais faire hurler les spécialistes, mais à défaut d'être équivalentes, en tout cas, elles se parlent suffisamment pour pouvoir se transformer l'une en l'autre. Il y a quelque chose dont on parle en général assez peu. Là, on va faire un petit bond dans le temps. Mais moi, qui est vraiment à titre personnel, toujours quelque chose qui ne cessera jamais de me fasciner, c'est comment à certains moments on peut, par la voie expérimentale, confirmer des théories qui sont des expériences de pensée ou des théories vraiment strictement intellectuelles. Vous pourriez me dire un mot, peut-être, Richard Taillet, de l'expérience de Affel et Keating en 1971, qui ont fait le tour du monde avec des horloges moléculaires dans leurs valises. Oui, ça effectivement, c'est une expérience assez tardive. On avait vérifié d'autres conséquences de la relativité bien avant, mais celle-là, elle est assez jolie et emblématique. Effectivement, des chercheurs ont mis sur des avions de ligne des horloges qu'ils avaient bien synchronisées. Ils avaient vérifié qu'elles marchaient de la même manière, etc. Il y en a une qui est restée au sol, il y en a une qui a été mise sur un avion qui tournait dans un sens autour de la Terre, une autre qui a été mise dans un avion qui tournait dans l'autre sens. Et une fois que les avions étaient posés, en gros, on a comparé les indications des horloges et on a pu comme ça vérifier que d'une part les indications étaient différentes. Donc le temps ne s'est pas écoulé de la même manière pour dans les avions et au sol, en quelque sorte. Et ça a pu aussi montrer deux contributions. Il y a deux contributions différentes à ça. Il y a celle dont on parle maintenant, celle de la relativité restreinte, le fait que un corps en mouvement voit le temps qui s'écoule différemment, pour dire les choses rapidement. Et il y a aussi un effet gravitationnel, le fait que les avions étaient un peu plus hauts, oui, donc étaient dans un champ gravitationnel différent, et voilà, c'est la relativité générale qui fait ça, prédisait effectivement aussi un effet de... qui a pu mettre en évidence par cette expérience. Et c'est parfait, vous me tendez la main pour justement conclure cette émission, puisque on vient de parler de la relativité restreinte. On l'a dit, c'est un premier chapitre. La prochaine émission consacrée à Albert Einstein relèvera et évoquera la relativité générale. Quelle est si on devait faire une sorte de cliffhanger, un peu comme dans une série, c'est-à-dire de saisir nos auditrices et nos auditeurs en disant restez et venez pour écouter le prochain chapitre. Quel serait-il? Comment est-ce qu'on commence finalement à débobiner cette relativité générale à partir de ces premiers résultats de 1905 d'Albert Einstein, Richard Taillet? Si vous avez aimé le fait qu'en se tournant, on mélange le temps et l'espace, vous allez adorer le fait qu'en fait, cet espace-temps, il n'est pas plat, il est courbé avec des trous, avec des boucles. Et allez voir Interstellar et vous aurez un bon cliffhanger pour cette émission. Faites attention parce qu'Interstellar, c'est un film qui divise. Christian Bracco, votre cliffhanger pour le prochain épisode sur la relativité générale? Écoutez, c'est la déviation de la lumière et l'explication de l'avance de périhélie de Mercure. Eh bien, ce sera des choses que nous évoquerons dans le deuxième épisode de cette série d'émissions qui va durer. Peut-être y en aura-t-il 3, peut-être y en aura-t-il 4, jusqu'à la fin de la saison consacrée à Albert Einstein. Merci beaucoup, Richard Taillet. Merci, Christian Bracco, d'être venu nous parler de cette première partie de la vie et des travaux d'Albert Einstein. Un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui couvre la billetterie virtuelle pour le festival de Gérardmer qui se tiendra du 27 au 30 janvier, dont nous sommes partenaires. Il y aura une émission spéciale le vendredi 28 janvier. Vous pouvez donc, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, vous pouvez acheter des billets virtuels pour pouvoir voir tous les films en compétition, hors compétition de ce très beau festival auquel nous sommes tant attachés. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Natacha Triou, Alexandre Morales, François Malordi, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Demain, ce sera notre premier vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche de l'année 2021. Nous passerons donc en revue les grands rendez-vous de l'actualité scientifique qui nous attendent dans les 12 prochains mois. Il sera question du James Webb Space Telescope, de cannabis thérapeutique, de rover Perseverance sur Mars, de la réouverture du LHC au CERN. Bref, le futur, ça commence demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.